on continue avec notre message, le surnaturel. Christ, our supernatural life. Jesus Christus, unser übernatürliches Leben. Jesus Christus, notre vie surnaturelle. Amen. Amen. The natural cannot live his life. Der natürliche Mensch kann sein Leben nicht führen. L'homme naturel ne peut pas vivre sa vie. It takes him to live his life. Es braucht Jesus, um sein Leben zu führen. Il a besoin de Jésus Christ pour vivre sa vie. And he is not natural. Und er ist nicht natürlich. Et lui n'est pas naturel. You know, if you are looking for natural, you don't need to come to Jesus. Wenn du nach etwas Natürlichem suchst, brauchst du nicht zu Jesus zu kommen. Si tu cherches quelque chose de naturel, tu n'as pas besoin de partir chez Jésus. Because you can never live his life. Denn du kannst dein Leben nicht führen. Parce que tu peux jamais vivre sa vie. Praise the Lord. Hallelujah. Now he wants us to understand his word, his kingdom. Dass wir sein Königreich verstehen. Il veut qu'on puisse comprendre son royaume. Religion have taught us a lot of wrong things. Religion hat uns viele falsche Sachen beigebracht. La religion nous a appris beaucoup de choses qui sont un peu bizarres et mauvaises. You know, in religion, you know, until you die, you cannot live that supernatural life. In der Religion glaubt man, dass erst nach dem Tod kannst du übernatürlich leben. La religion pense que la vie surnaturelle ça commence après la mort. Because here is full of problems. Weil diese irdische Welt voll von Problemen ist. Parce que le monde mondain est comblé de problèmes. But Jesus said here, from here we are already in heaven. Aber Jesus sagt, von hier sind wir schon im Himmel. Mais Jésus-Christ a dit que maintenant on est déjà au ciel. Praise the Lord. Hallelujah. We are not looking. No, we are not fighting to make heaven. We are already in heaven. Wir kämpfen nicht darum, in den Himmel zu kommen. Wir sind schon im Himmel. Amen. On se bat pas pour être au ciel. Nous sommes déjà au ciel. Religion fight to make heaven. Religion kämpft darum, in den Himmel zu kommen. La religion se combat pour entrer au royaume des cieux. They believe that until you die, you cannot be in heaven. Sie glauben, dass erst wenn wir sterben, ist man im Himmel. Eux, ils pensent que d'abord quand on meurt, là on peut être au ciel. But Jesus said we are already in heaven. That's not natural. That's supernatural. Mais Jésus-Christ dit que nous sommes déjà au ciel et ça c'est surnaturel. Remember Revelation 12. He said, "Rejoice, you heavens." In Offenbarung 12 steht, dass wir Himmel uns freuen sollen. En Apocalypse 12, si on se rappelle, il est écrit qu'on doit se réjouir les gens qui sont déjà au ciel. You better learn how to live there. Sollen lernen, dort zu leben. On doit apprendre à vivre déjà dans le ciel. How to live there is so simple. Und es ist einfach, dort zu leben. Et pour y vivre, c'est vraiment simple. You know, man does not love simple things. Aber der Mensch mag keine einfachen Dinge, er mag schwierige Sachen. Mais l'homme, lui, il n'aime pas quelque chose qui est simple. Il aime des histoires qui sont un peu plus difficiles. It's so simple. That's remember Jesus. That's how you live in heaven. Et pour y vivre, tu n'as besoin que de te rappeler de Jésus-Christ. You know, it's like prayer of salvation, you know. Just say the prayer. Your name is written in heaven. So simple that people cannot even believe it. They are so used to hard things. C'est comme quand on prie pour avoir le salut, on prie et on y croit. Et c'est aussi simple comme ça avec vivre au ciel. Even baptism of the Holy Spirit. You just pray the prayer. You are so. The Holy Spirit sees you. You know, they cannot believe it because it's so simple. Die Welt kann das nicht glauben, weil es so einfach ist. Le monde ne peut pas y croire parce que c'est vraiment simple. Praise the Lord. Hallelujah. For being in heaven is so simple. Im Himmel zu sein ist sehr einfach. Vivre au ciel, c'est vraiment simple. Remember what Christ did for you. That's all. The payment. The atonement. Praise the Lord. Remember the victory. Rappelle-toi de la victoire. You are not fighting to have victory. You already have victory. Wir kämpfen nicht um Sieg, wir haben den Sieg schon. Nous on se bat pas pour avoir la victoire, on a déjà la victoire. We fight the good fight of faith. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. On se bat pour croire qu'on croit à la foi. Not to make heaven, but to believe we are already in heaven. nicht in den Himmel zu kommen, sondern zu glauben, dass wir im Himmel schon sind. On se bat pas pour entrer dans le ciel, mais on se bat pour y croire qu'on est déjà dans le ciel. The Bible said that the just shall live by faith. That's not earthly. That's heavenly. Die Bibel sagt, die Gerechten sollen durch den Glauben leben. Et la Bible dit que les justes, eux, ils doivent vivre par la foi, à travers la foi. That is not natural, that is supernatural. Das ist nicht natürlich, sondern übernatürlich. Et là, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Durch den Glauben zu leben. Vivre avec la foi. Dans praise la the Lord. Amen. What kind of supernatural? Gott ist übernatürlich. Jésus-Christ, Dieu est vraiment surnaturel. What Christ calls supernatural. Was Christus übernatürlich nennt. Ce que Dieu appelle. Just like surnaturel. Just like his own kind of love, joy, peace. Have his own kind of supernatural. Er hat seine eigene Art von übernatürlich, genauso wie er seine eigene Art von Freude und Frieden hat. Il a sa propre manière d'être surnaturel, comme il a sa propre manière d'avoir sa paix. Praise the Lord. Hallelujah. Let us go to John 14. Johannes 14. Jean 14. Verse 27. Johannes 14, 27. Jean 14, 27. It's a peace I live with you. Amen. Amen. Peace I live with you. My peace I give unto you. My peace. Mein Frieden gebe ich euch. His supernatural peace. Sein übernatürlicher Frieden. It's not the same as the natural peace. Ist nicht so wie der natürliche Frieden. You know, the natural peace come and go. Der natürliche Frieden kommt und geht. La paix naturelle, ça vient et ça part. Because it's based on news. Weil es basiert auf Nachrichten. Parce que ça dépend de les circonstances que tu as. It's based on feeling. Auf Gefühle. Ça dépend de It's based on what you see. Auf das, was man sieht. Ça dépend de ce que tu It's vois. Based on what people tell you. Was Leute dir sagen. Ça dépend de ce que les gens te disent. It's based on five senses. Er basiert auf den fünf Sinnen. Donc c'est basé vraiment des cinq sens. Praise the Lord. Amen. The natural peace come and go. Der natürliche Frieden kommt und geht. La paix naturelle, ça vient et ça part quand ça veut. But God kind of peace, which Aber is Gottes Christ's Frieden. Peace, that he is talking about here, is supernatural. Ist übernatürlich. Mais la paix de Dieu, c'est vraiment surnaturel. And this, it is untouchable. Nothing can change it. If you really understand it. Nichts kann das verändern. Et personne ne peut le toucher, personne ne peut le changer. Dès que tu le comprends. Amen. Amen. If you can understand it, you can know it. Satan will be afraid of you. Dann wird der Feind Angst haben vor dir. Dès que tu le comprends, le diable aura peur de toi. Because it's not based on any news, any report from the doctor. Are you getting it? Es basiert nicht auf das, was der Arzt sagt oder was die Nachricht du hörst. Parce que ça ne dépend pas des nouvelles du docteur. You know, somebody like Paul. Jemand wie Paulus. Quelqu'un comme Paul. For me to live is Christ, to die is gain. Leben ist that Christus. That is peace. That there is no end to that peace. Und sterben Amen. Ist gewinnen. Are you getting it? Il disait que mourir c'est Jésus-Christ et vivre c'est Jésus-Christ et mourir c'est une victoire pour lui. And somebody like that, Satan is confused about him. Und bei so einer Person ist Satan verwirrt. Une personne comme ça, le diable ne le comprend pas. There's nothing I can use to threaten him. Denn mit nichts kann man dieser Person auf die Füße treten. Parce qu'une personne comme ça, il n'y a rien qui, que le diable peut utiliser. I cannot steal his peace. Man kann den Frieden dieser Person nicht stehlen. Tu peux pas menacer sa paix. Are you getting it? Amen, amen. I cannot stop it. Amen. In a second, I cannot stop it. Ich kann es nicht aufhalten. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus is the one speaking here. Jesus, derjenige, der hier spricht. Verse 27 of John 14. Johannes 14, 27. It's a peace. It's a peace I live with you. Peace. Frieden. Je pars, mais je vous laisse la paix. My own kind of peace. Mein Frieden. C'est ma paix que je vous ai donnée. My peace I give unto you. Mein Frieden gebe ich euch. Et ma paix que je vous donne. Not as the world giveth, give I unto you. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich das euch. Je ne vous le donne pas comme le monde l'a donné. Are you getting something? This is not natural. This is supernatural. Und das ist übernatürlich. Et ça c'est pas naturel, c'est surnaturel. I went out today, I met a man. Amen. Ich war heute draußen, habe einen Mann getroffen. Aujourd'hui, je suis sortie, j'ai rencontré un homme. You know, he heard the name Ida Hosa, that is my name. Er hat gehört, dass ich Ida Hosa heiße. Il a écouté mon nom, que je m'appelle Ida Hosa. For him, it was just about Ida Hosa, Ida Hosa, Ida Hosa. Und ihm ging es nur um den Namen. Christ. Und nicht um Jesus Christus. Et lui, il voyait que mon nom, il voyait pas Jésus Christ. Because somebody they know, you know, they know, there's somebody that they have, you know, a pastor, let me say bishop or whatever, that have been in, that was in Nigeria, he's now dead. This man seemed to know him. Amen. For him it was just about, I just look at him. Weil es einen Pastor oder Bischof gab in Nigeria, der Ida Hosa hieß und der war sehr berühmt und sehr, hat sehr krasse Sachen in Nigeria gemacht. Und seitdem, wenn man Ida Hosa heißt, wird man sehr oft mal mit dieser Person in Verbindung gesetzt. Und dieser Mann hat wahrscheinlich auch gedacht, dass wir irgendwas mit ihm zu tun haben, hat die ganze Zeit nur über ihn geredet. Donc, vu que il y avait une célébrité, un pasteur. Everywhere. Everywhere was known everywhere. Ah, okay. Vu qu'il y avait un pasteur nigérien, une Ghana, célébrité qui était, était célèbre, qui s'appelait Ida Hosa. America, everywhere. Qui est déjà mort, qui est décédé. Cet homme-là, quand il a vu que mon nom aussi c'était Ida Hosa, lui pensait que je suis parenté avec lui. He was telling somebody that was there that if you really know this name, this somebody, this person, if you are related to this man, you will say thank you, Jesus. You will say thank you, God. That's what he said. Und er hat so damit thank you, God. So you are somebody. Wenn du wüsstest, wer dieser Name ist, dann würdest du stolz darauf sein und Gott danken. Et il disait que si tu connais quelqu'un ou bien si tu as ce nom, tu portes le nom Ida Hosa, là tu es capable de dire Dieu merci parce que là tu es quelqu'un. I just pity the man. Und ich hatte Mitleid mit dem Mann. Et moi j'ai eu pitié de cet homme-là. I was shaking my head. Und ich musste mit dem Kopf schütteln. Et j'ai tourné ma tête. Then he left there and said, I started speaking something else. He said, Madam, I have a plan that I want you to be part of it because of the problem going on in Nigeria. I'm looking for a way how people will see them and solve it. I said, is it with Christ or without Christ? I asked him. Und er hat dann angefangen zu sagen, dass er mich gerne einladen wollen würde, um irgendwas in Nigeria, ein Problem in Nigeria zu lösen. Und ich habe ihn dann gefragt, hat das was mit Jesus Christus zu tun oder nicht? Et cet homme a demandé qu'il voulait faire quelque chose au Nigeria, changer le pays vu qu'il y a beaucoup de problèmes. Et moi, je lui ai demandé, sur ton changement, ça a à faire avec Jésus Christ ou pas? He said he's looking for 10 women, 10 men that will sit down together and discuss. And I said, you know the problem that Nigeria have. I asked him. Und er hat gesagt, er sucht nach 10 Männern und 10 Frauen, die zusammen einfach reden und versuchen, auch eine Lösung zu finden. Und ich habe ihn gefragt, weißt du, was das Problem von Nigeria ist? Il m'a dit qu'il est en train de chercher 10 hommes et 10 femmes pour faire une assemblée et parler du pays. Et moi, je lui ai dit que, est-ce que tu sais où est le problème avec Nigeria? Un problème réel avec le pays? He said, yes, he said, they are fighting, people are doing this, people are... I said, the problem is, they don't know Christ. Und er hat versucht zu sagen, ja, das Problem ist halt, keine Ahnung, Armut, Gewalt oder sonstiges. Aber ich habe gesagt, die Leute kennen Jesus Christus nicht. Lui, il a essayé de m'expliquer le problème qu'il y a des combats. Et moi, je l'ai expliqué qu'il ne s'agit pas des combats. Le seul problème est qu'ils ne connaissent pas Jésus Christ. He said, oh, no, they know Christ. I said, they don't know Christ, they know religion. Und hat er gesagt, nee, sie kennen Christus. Und ich sag, doch, sie kennen ihn nicht, weil sie kennen nur Religion. Et lui me disait que oui, ils connaissent Jésus-Christ. Et moi, je l'ai dit, je l'ai expliqué, non, ils connaissent pas Jésus-Christ, ils connaissent que de la religion. Do you know how? Then I asked him, do you know how I know that they don't have Christ? Und ich habe ihm gesagt, weißt du, woher ich das weiß oder wie ich das erkenne? Et je lui ai demandé, tu sais comment je le reconnais qu'ils n'ont pas Jésus-Christ? Because of your words. Wegen deinen Worten. À cause de ta parole, de tes paroles. You are saying they are fighting, they have problem, they have problem, yeah, they have problem. If they have Christ, if they really know Christ, if they have Christ. You will not say that. Wenn sie wirklich Christ that alone, what you are saying is telling me something already. Bezeichnen. Das, was du sagst, zeigt mir schon, wo das Problem liegt. Donc, vu que tu parles que des problèmes qu'ils ont, et ça me montre qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, parce que s'ils connaissaient Jésus-Christ, ils n'allaient pas citer tous les problèmes qu'ils ont. I said, you know how many, you know, Nigeria, church, you hardly see a street without a church. Ich habe ihm gesagt, ja, gibt es so viele Gemeinden. Et je lui ai dit qu'en Nigeria, il y a beaucoup des églises partout, dans chaque rue. You hardly see a street without a church, better than all. Straße gibt es eine Gemeinde, aber dennoch sieht es da so aus. Dans chaque rue, il y a au moins une église. Mais après tout ça, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ah oui, that will help you. That should help you to know that they don't even know Christ. Das hilft dir zu erkennen, dass sie Christus nicht kennen. Et là, ça doit t'aider à comprendre qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. You know, yesterday we were in John 4. Gestern waren wir bei Johannes 4. Hier, on a lu Jean 4. We dealt a lot with John 4 yesterday. Wir haben viel über Johannes 4 gesprochen. On a beaucoup parlé de Jean 4. Jesus said, if you drink my water, you will not thirst any longer. Jesus hat gesagt, wenn du von meinem Wasser trinkst, wirst du niemals wieder dürsten. Amen. Jésus-Christ a dit que si tu bois mon eau, tu ne seras plus assoiffé. If you really know me, you will not have problem with anybody. Are you getting something? Ça veut dire que si tu connais, si tu me connaissais, tu n'auras, si tu me connais, tu n'as plus de problème. If you can see me, that is the end of problem. Wenn du mich siehst, ist das das Ende vom Problem. Dès que tu me vois, c'est la fin de tes problèmes. Amen. You know that what when he was talking, he reminded me of what I dreamt of some days ago. Und als er am Reden war, hat mich das an meinen Traum vor ein paar Tagen erinnert. Et quand il a commencé à parler, ça m'a rappelé du songe que j'avais. This man did not even want to go to anything Jesus. Und dieser Mann wollte einfach nichts über Jesus Christus hören. He did not want to go to anything Jesus at all. Er wollte nichts über Jesus wirklich wissen. Donc lui, il voulait pas, il voulait rien savoir de Jésus Christ. He said solution, solution is what I said. There is no solution without Christ. Und er hat gesagt, wir suchen nach einer Lösung, aber ich habe gesagt, es gibt keine Why Lösung ignore Christ? Ohne Jesus Christus. You can never have solution. Ignorierst die Lösung, du ignorierst Jesus Christus. Il a dit que, et je lui ai dit que tu peux pas trouver une solution sans Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said, peace, I live with you. Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch. Jesus Christ a dit qu'il nous a laissé la paix. My own kind of peace I give unto you. Mein Frieden gebe ich euch. Sa propre paix. Not as the world gives. Nicht so wie die Welt ihn gibt. Pas comme le monde lui donne, nous donne le. The world they have their peace. Denn die Welt hat ihren Frieden. Parce que ce monde a sa propre paix. But it's rubbish. Aber es ist verfälschter Frieden. Mais cette paix de ce monde, c'est pas la paix juste. C'est une paix vraiment, elle est faux, fausse. Give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. You know, if you have a troubled heart, it means you are out of Christ. Wenn du ein Herz hast, was voll mit Sorgen ist, dann bist du auch aus Christus. Quand tu as un cœur qui est trop préoccupé, là tu dois comprendre que tu n'es plus en Jésus-Christ, tu ne lui as plus dans ta vie. If you are sad, if you know, I don't, you know, if I look at you. Wenn ich euch anschaue. Quand je vous regarde. The teachings here should be, you should be so grateful. Ihr solltet so dankbar sein für diese Lehre, die ihr empfängt. Vous devez être fier et content du message que je vous donne ici. To know the only true God. Den einzigen wahrhaftigen Gott zu kennen und Jesus Christus. D'avoir la possibilité de connaître la vérité et Jésus Christ. It's like my peace. Mein Frieden. Sa paix. It's not the same as the peace of this world. C'est plus le Frieden dieser Welt. Il a dit que sa paix c'est pas la même paix de ce monde. And you have to know how to have his peace. Du musst wissen, wie man diesen Frieden hat. Et tu dois comprendre comment avoir cette paix. Remember how much he loves you. Amen. Dich daran erinnern, wie sehr er dich liebt. Und haben wir diesen Frieden. Rappelle-toi de la manière laquelle il t'aime. Praise the Lord. Remember how he loves you. Rappelle-toi de laquelle de quelle manière Dieu t'aime. All those things that give you headache, that make you sad. That, you know, people can just see you and just know that there's a problem. Should never be. It should never be. Please, allow the Holy Spirit to help you to understand here. And here we just read. Diese Stelle zu verstehen. Demande au Saint-Esprit de t'aider à de comprendre ce message et ce verset. Let me go forward. Amen. 14, 27. Amen. Amen. My peace I give unto you, not as the world give it. Also my joy. Auch meine Freude. Love is on joy. It was a kind of joy. Seine Freude. Il a sa propre joie. The Bible said the joy of the Lord is our strength. Die Freude des Herrn ist unsere Kraft. La Bible Christ dit joy. La joie de Jésus-Christ, c'est notre puissance, notre force. It means if you really know him and if you have him and you know him, your joy is 24/7. It's unchangeable. Nothing can change it. Ständig, nichts kann das ändern. Amen. Donc, dès que tu lui comprends, tu comprends sa paix et tu as ta relation avec lui et son amour, là, ta joie, ce sera 24/24. Do you know why it's always here and there? Today, you are full of it, joy. Tomorrow, no. Est-ce que tu sais pourquoi ça change? Because you never believe. C'est parce que tu ne crois jamais dans ton cœur. You know, you can say it now, you believe, but the next minute, tomorrow, you know, things are going to come. Are you still going to remember that how much he loves you? Wenn wir dennoch uns daran erinnern, wie sehr er uns liebt. Quand tu auras des problèmes, est-ce que tu vas toujours être capable de te rappeler de la manière laquelle il t'aime? I'm not talking about the love of the natural parents. Ich spreche nicht über die Liebe der natürlichen Eltern. Je parle pas de l'amour naturel de tes parents naturels. Because they did not die for you. Weil sie nicht für dich gestorben sind. Parce qu'ils sont même pas morts pour toi. I'm talking about how Christ loves you. Sondern ich rede davon, wie Jesus Christus dich liebt. Moi, je parle de l'amour de Jésus. He left heaven because of you to come here. Er kam. That should tell you how special you are. Um für dich hier zu sein. Then there is the problem. Wo ist das Problem? Pour toi ici. Et c'est ça que tu dois te rappeler. Praise the Lord. Hallelujah. You know, bees, you know, here in Europe, bees are really problems. Hier in Europa sind Rechnungen eine sehr große Sache. Ici en Europe, les factures sont vraiment un grand problème. In Nigeria, it's not so much. Because you don't pay for, you know, there are a lot of things people don't just pay. Es gibt viele Sachen, just little. Für die man nicht zahlt. Und Afrique, deswegen pas vraiment beaucoup des factures. Kennen die Leute das mit comme diesen Rechnungen nicht so? You know, we were in Nigeria. We did not even see any postman bringing letters of this to the people there for months that we were there. Wir waren in Nigeria und da war kein Brief. Da war kein Postbote, der euch Briefe vorbeigebracht hat. Quand on était en Nigeria, on n'avait même pas vu quelqu'un qui vient de la poste qui nous donne des lettres. But here in Europe, a week you are not at all. Go to your letterbox. Then you know that you are really here. Mais ici en Europe, dès que tu n'ouvres pas ta boîte postale une semaine, tu vas avoir beaucoup de lettres, des factures. Praise the Lord. Hallelujah. The supernatural of Christ. Das Übernatürliche von Christus. Le surnaturel de Jésus-Christ. It is he has paid all. Bedeutet, dass er alles bezahlt hat. Das signifie qu'il a tout payé. And that is our joy. Und das ist unsere Freude. Et ça, c'est notre joie. If we have his life. Wenn wir sein Leben haben. Quand on a sa vie. All bills come to him. And they have been paid. Alle Rechnungen zu ihm und sind gezahlt. Quand on vient de Jésus-Christ, ça signifie que tous nos factures ont été payées. It is not the bills are not much. That is the victory. Und das liegt nicht darin, dass die Rechnungen nicht allzu groß sind oder allzu viele sind. Notre victoire, c'est pas le montant de la facture. Is there any money he cannot pay? Gibt es irgendeinen Betrag, den er nicht zahlen kann? Est-ce qu'il y a un montant que lui ne peut pas payer? You know, the money is not much that they charge me. Das ist nicht so viel kostet. That alone, we are jumping. Das bringt uns schon so viel Freude. Nous, aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui ne coûte pas trop cher, que la facture n'est pas chère, là, on se réjouit directement. Our joy is, he paid all. Et ma Freude ist, dass alles schon gezahlt hat, egal wie viel es ist. Amen. Mais notre joie, ça doit être que c'est lui, il a déjà tout payé, n'importe quel montant. Our joy should never be, it is so cheap. Unsere Freude soll nicht darauf basieren, wie günstig etwas war. For us to pay. Je ne dois jamais être que quelque chose est vraiment moins cher, une facture, une, qu'on a eu une facture. Are you qui est moins getting something here? He does not just give us wisdom, he is wisdom himself. Er gibt uns nicht nur Weisheit, er ist Weisheit. Il nous donne pas seulement la sagesse, somebody's getting la sagesse. Amen. So also is our understanding. Auch unser Verstehen. C'est aussi notre compréhension, c'est aussi comme ça. He has his own kind of everything. Er hat seine eigene Art in allem. Lui, Jésus-Christ, il a sa propre manière d'être. His wisdom, his understanding, his resurrection, prosperity, wealth, health, you know all this. He have his own. Er hat seine eigene Freude, Weisheit, Reichtum. Healing, life. Heilung, Leben. Il a sa propre manière d'être, sa propre paix, sa propre résurrection, sa propre façon d'être. He does not just give us wisdom. Er gibt uns nicht nur Weisheit. Il nous donne pas he is wisdom. First Corinthians 1. If you go there. La sagesse. Before we go to Isaiah 11. Amen. First Corinthians 1. Go there, please. And Corinthians. Amen. Praise the Lord. Verse 24. 24 and 30. He said, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. He is the wisdom of God. Est die Weisheit Gottes. Il est la sagesse de Dieu. Are you getting something? You know, to know him, that's how you have wisdom. Wisdom does not come by prayer. Weisheit kommt nicht durch Gebet. La sagesse, ça vient pas à travers les prières. Are you getting it? People don't pray. You know, to be in Nigeria. I told them that it's not, you know, all these things, pray. I said, you are rejecting the truth. Prayer cannot replace the truth. Leute verweigern die Wahrheit und das Gebet kann die Wahrheit nicht ersetzen. Amen. Les gens sont en train de rejeter la vérité, mais la vérité ne peut pas remplacer, la prière ne peut jamais remplacer la vérité. Prayer have its own job. The truth has its own job. Jesus said you shall know the truth. And the truth shall free you. He did not say you shall pray and be free. Das Gebet hat seine Aufgabe und die Wahrheit hat seine Aufgabe. Du sollst nicht beten, damit du frei wirst, sondern du sollst die Wahrheit erkennen, damit du frei bist. La prière a son propre devoir et la vérité a aussi son propre devoir. Et la Bible, il est écrit, c'est la vérité qui te fait, qui te libère, qui te donne la liberté. C'est pas la prière qui te donne la liberté. They keep on rejecting the truth, ignoring the truth. And when they are now in problem, they are looking for prayer. Prayer warriors should come and solve. Sie verweigern die Wahrheit, aber wenn sie ein Problem haben, sollen die Gebetskämpfer kommen und für sie beten. Les gens sont en train de refuser la vérité et dès qu'ils ont des problèmes, ils commencent à faire des jeûnes de prière. Verse 30. He said, but of him are you in Christ Jesus. Who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. That's Christ. Par lui, Christus. Par lui, vous êtes unis à Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. For you to be able to function in his wisdom is you know him, to know him. That's how you function. In seiner Weisheit nehmen wir ihn kennen. On fonctionne dans sa sagesse à travers what he called the truth. Quand on commence à croire à sa parole, ce que lui il dit il appelle la vérité, ce qu'on doit comprendre. Not what denomination called the truth. Nicht das was everybody says the truth. Praise the Lord. Et pas ce que le monde appelle la vérité. Isaiah 11. Go to Isaiah 11, please. Isaiah 11. I hope you read this. The other some weeks ago, I said you should read it. Amen. This is Isaiah 11. It's very, very. It is good. You know it. Amen. Amen. Isaiah 11 ist sehr wichtig, es ist gut, dass ihr diese Stelle kennt. Isaiah 11 ist vraiment important, vous devrez le connaître. Look at 1 and 2. 1 et 2. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of the root. It's talking about Jesus Christ. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. And you know the Spirit of the Lord. L'Esprit de l'Éternel. And what are the spirits of the Lord? C'est quoi l'Esprit de l'Éternel? The Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, the might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Geist der Weisheit. That's the spirit. These, you know, these are the spirit of the Lord. Geist des Verstandes, Geist des Rats, Geist der Kraft und Geist der Erkenntnis. Le discernement, la sagesse, le conseil à la et la force, il lui fera connaître et craindre l'Éternel. You get something here. Mm-hmm. You know, this is the spirit of Christ. Telling you this is the spirit of Christ. The spirit inside Christ. Inside him. Amen. Inside Jesus. In Jesus Christ. All the spirit they are inside him. And Christ is inside you. I don't know if somebody's getting something. It means you already have all the spirit. Das heißt, wir haben diese Geister schon. Because he have all the spirit inside him. Mm-hmm. I don't know if somebody is getting something. Automatiquement, on a ça aussi. Amen. And that's why you don't beg to have wisdom. Amen. In 1 Corinthians 7, verse 17, the Bible said that you are joined unto the Lord. In 1 Corinthians, it says that we are one with the Lord. In 1 Corinthians, it is written that we are one person with Jesus Christ. He said, he that is joined unto the Lord is one spirit. Yeah, not two spirits. One. If you go there and look at it. La personne qui est avec Jésus Christ, qui est avec Jésus Christ, et une personne avec lui et pas deux personnes. It means you have all these spirits already. Ça signifie qu'on a tous ces esprits là en nous. Are you getting it? Mm-hmm. Except if you are not saved, you better pray to be saved. Receive Jesus as your Lord and your Savior. Allow him to come inside. Si tu n'as pas Jésus Christ, si tu n'es pas encore, tu n'as pas encore ton salut. Amen. No wonder Jesus said, "This sign shall follow them that believe." In my name they will do this. My name they will do. Why? Because they already have all the spirit. In my name werden sie all diese Dinge tun, weil sie diese Geister. This is not natural. En son nom, on sera capable de faire toutes ces histoires qu'il a citées en Marc 16. In John 14, said, you are in him, he is in you. In Johannes 14 steht, wir sind in ihm und er in uns. In Jean 14, il a dit que nous, on est en lui et lui, il est en nous. Look at Isaiah, this Isaiah 11 again. Verse 2, this time verse 2 and 3. Isaiah 11, 2 and 3. He said, and the spirit of the Lord shall rest upon him. The spirit of wisdom and understanding. The spirit of counsel and might. The spirit of knowledge and of the fear of the Lord, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. And he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of the... Is this one different from you today? Mm. I don't know if somebody's getting it. Mm. This is just talking about you. Yes. For you, it's not about outside, it's about the spirit. Praise the Lord. It's not, it's just talking about you. Il parle de nous ici. You don't see the outside, you see the spirit. Wir sehen nicht das Äußerliche, wir sehen den Geist. On va pas juger l'extérieur, on va juger l'intérieur, l'esprit. You judge not the flesh by the spirit. Wir richten nicht das Fleisch an den Geist. On juge pas la chair, c'est l'esprit qu'on est en train de juger. Praise the Lord. Alleluia. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. His resurrection is supernatural. Seine Auferstehung ist übernatürlich. Sa Resurrection est surnaturelle. Which is our salvation. That's his resurrection. Das ist seine Auferstehung. Sa Resurrection est notre salut. It means we were once dead, but now we are alive. Wir waren einst tot, aber jetzt sind wir am Leben. Are you guessing something? On était mort et maintenant. You were once dead, but now you are alive. Having Christ, it means you are alive. Avec Christus haben wir am Leben. Et dès qu'on a reçu Jésus-Christ, on est en vie. Remember John 10:10. The thief come in, but to steal, but I have come to give you life. You now have his life. That's resurrection. Wir haben jetzt sein Leben. Know what he calls supernatural. That's how to live his life. Was Jesus übernatürlich nennt. On doit comprendre ce que Dieu appelle surnaturel. Dès qu'on a sa vie, on est. Hein. That does not mean the natural supernatural will not follow you. Those things they are to follow you, and not you following them. Und diese übernatürlichen Dinge sollen uns folgen, nicht wir sollen ihnen nachher. Le monde surnaturel, ça va nous suivre, ça va. Ça va courir derrière nous et pas le contraire. C'est pas nous à le chercher. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Alleluia. Remember John 11. Erinnert euch Johannes 11. Rappelle-toi de Jean 11. He said he's not just going to raise up the dead, but he is the resurrection. He himself. Die Toten auferwecken und er ist die Auferstehung. Il a dit qu'il va pas seulement ressusciter les morts. Il est la. Then his own kind of prosperity. La résurrection. Und sein Reichtum. His own kind of prosperity. Seine Art von Reichtum. Il a sa propre manière d'être, sa propre manière. He wants us to live his life, please. Er möchte, dass wir sein Leben führen. Amen. Il veut qu'on puisse avoir sa vie. Vivre sa vie. You are never poor. There's no poverty in heaven. Amen. I don't know if somebody is getting something. Amen. We were yesterday. We were in Genesis 39. Remember, those of you that were with us. Amen. Genesis 39. Hier on a lu Genèse. Where Joseph was called a prosperous man, though he was having nothing. Als Josef eine wohlhabende Mensch genannt wurde, obwohl er nichts hatte. Quand Dieu avait appelé Joseph un homme très riche, malgré il n'avait rien. How can we get it? Can we understand it? Physiquement, il était pauvre. You are never poor. Niemals, if you have Christ. Quand on a Jésus-Christ, on n'est jamais pauvre. Again, Joseph was a slave, having nothing. The Bible says he was never poor. He was a prosperous man. La Bible dit qu'il n'était jamais pauvre parce qu'il était vraiment un homme riche, selon la Bible. The Lord is not just your provider, he's your wealth. Der Herr ist nicht nur dein Versorger, mm-hmm. ist dein Reichtum. Are you getting something? Jésus-Christ, mm-hmm. il est notre richesse. He is your wealth, he is your prosperity. That's why if you have him, you're... Ha ha ha! Praise the Lord. Amen. Amen. Hmm. All you need to do is remind yourself of him. Who lives in you. Are you getting something? Amen. Amen. You know, we just quoted John 10:10 that he came to give us life. It's true, he came to give us life. But that is not just, you know, actually he is the life. Ich habe gerade Johannes 10:10 zitiert, wo it is not just he came to give us life, but he is the life. Wo er sagt, dass er uns das Leben gab, sondern er ist auch das Leben selbst. Amen. Colossians 3. Amen. Jean 10:10, lui là où il a dit qu'il est venu nous donner la vie, mais il n'est pas seulement venu nous donner la vie, il est aussi la vie. We are ready, you know, long life. Proverb really talked about long life. In Sprüche geht es oft über das lange Leben. Ein Proverb nous a expliqué. Christ is long life. Christ ist das lange Leben. Jésus Christ, il est la vie éternelle. Long life, to live long. Yeah. Hein? Young. What is that? Non, longtemps, pas éternellement. Ok. Ich hab éternel gesagt, aber es ist long, not eternal. Long life, yeah, long life is also eternal, but a relationship with Christ is eternal life. Long life, you can also use it as eternal, call it eternal, but long, I don't know how people are going to take it, if you say eternal. Yeah, to live long here. It's long life, yeah. And that is also called eternal. To live eternal. Yeah, for to uns. Eternal, yeah, for us, yeah. For us. Okay, later. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible said that Jesus is our life. La Bible dit que c'est Jésus Christ qui. And he is our health. Und est unsere Gesundheit. Et il est aussi notre santé. And since we receive salvation, he is our supernatural life. Und seitdem wir Errettung empfangen haben, ist er unser übernatürliches Leben. Et dès qu'on a eu notre salut, lui, il est. And everything is supposed to be working supernaturally for us. Und deswegen sollte eigentlich alles für uns übernatürlich laufen. Donc ça signifie que dès ce moment-là, tout doit marcher surnaturellement. But because we don't know how to walk in him, in Christ. Mais vu qu'on n'a pas encore compris. We are having problems. On today we are happy, tomorrow not. Aujourd'hui on est triste, demain on est there are reasons why things, you know, things are not the way the Lord wanted to be right now. Es gibt Gründe, weshalb die Sachen noch nicht so sind, wie der Herr sie jetzt möchte. Les raisons laquelle Jésus-Christ ou Dieu ne veut pas que les histoires soient marchent comme on le veut. Praise the Lord. Hallelujah. Sometimes it's even good for us. Manchmal ist es sogar gut für uns. Et quelquefois c'est mieux pour nous. It's like giving, you know, a position to a child. Es ist so, wie als ob man eine hohe Position einem Kind gibt. C'est comme si tu donnais un un poste haut pour un enfant. It takes maturity. Et cet enfant a besoin de la maturité avant de l'avoir. That's why he said, don't give position to a novice. Deswegen sagen wir don't give power to a novice. Einer unbefugten Person keine Position geben. Et pour cela, on ne doit pas donner aux mineurs, par exemple, une position haute. Everything is supposed to work supernaturally. Since we believe Jesus. Et dès qu'on croit en Jésus-Christ, tout doit marcher surnaturellement. But the power of faith in us. Aber die Kraft des Glaubens in uns. Mais la puissance de la foi dans nous. Go to Ephesians 3, please. Ephesians 3. Amen. Amen. Ephesians 3. Ephesians 3, verse 20. Ephesians 3:20. He said, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. According to the power of faith in us. Gemäß der Kraft des Glaubens in uns. Par la puissance qui agit en nous. How can we believe? Wie können wir glauben? Comment on peut avoir la foi? How to believe him? Wie wir ihm glauben? Comment croire en lui? The Holy Spirit is the power behind all manifestation in Christ's world. Der Heilige Geist ist die Power behind it. Ist die Kraft der Manifestation im Königreich Gottes. Le Saint-Esprit est la puissance de la manifestation. Amen. Amen. The Holy Spirit is the one manifesting things in Christ's world. Is the power behind manifestation. Er ist die Kraft hinter der Manifestation. Le Saint-Esprit est la puissance derrière la manifestation. Amen. Amen. But he always needs your cooperation. Aber er braucht deine Kooperation. Mais il a toujours besoin de notre coopération. You know, if you go to Genesis 1, let's go there. Let us go there. Let's go there. Even God Himself, God the Father. Wenn wir zu 1. Mose 1 gehen. On va lire Genèse 1. God the Father. Aber der Vater. Dieu le Père. One, two, three. 1 jusqu'à 3. It says, in the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. The Spirit of God. God the Holy Ghost was there. L'Esprit de Dieu, Dieu le Saint-Esprit était là. But he needs somebody to speak. Aber er braucht jemanden, der spricht. Mais il a besoin de quelqu'un pour parler, qui parle. God the Father said, look at it. And God said, let there be light, and there was light. Und er sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Et Dieu, dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Though the power of manifestation was there. Auch wenn die Kraft der Manifestation da war. Malgré la vie, la puissance de la He's waiting for you to speak. Er wartet darauf, dass du sprichst. Il attend que tu puisses parler. I don't know if somebody's getting it. Amen. Amen. And that's why God's children, you are to beware of what you say, what you Deswegen speak. Sollen wir als Kinder Gottes Your words. Darauf achten, was wir sagen. C'est pour cela, you are not natural. You are not natural. Don't joke with things. We have to learn it because we know our life, or the past life. We joke with everything. Amen. Praise the Lord. Also, the Holy Spirit sees your faith. He hears your voice. He listens to what you listen to. If somebody gets you something. And that's why going to a living church is very, very important. Because, if you go to a dead church, you know, they are going to speak to you. And the Holy Spirit is present to listen. Deswegen ist es wichtig, in eine lebendige Gemeinde zu gehen, weil der Heilige Geist hört zu, wenn du die Lehren einer toten Gemeinde hörst. C'est pour cela c'est important de partir dans une église vivante parce que le Saint-Esprit écoute tout ce qu'ils disent même dans les églises mortelles. And that's why it's better you don't even go to church at all than going to a dead church. Deswegen ist es I'm telling you. Sogar besser zu Hause sein, als in eine tote Gemeinde zu gehen. Don't go at all. Stay at home. C'est pour cela, c'est même mieux de partir dans une église, de rester à la maison que partir dans une église qui te dit la, te raconte les mensonges. It's not church, it's church. It's never like that. Pas toute église, c'est juste une église. Satan still killing and destroying the church more than outside. Der Teufel stiehlt und zerstört mehr in der Kirche als draußen. Le diable continue à tuer et détruire dans les églises You know, remember, God, you know, there's a space in your heart that God, you know, he wants that place to be occupied by him. And people know that. And Satan himself know that. That there is a space that somebody, you know, people are hungry of the kingdom. Es gibt einen Ort in deinem Herzen, den der Herr füllen will, aber der Teufel will diesen Ort erfüllen und Menschen wollen diesen Ort erfüllen. Il y a une place dans ton cœur que seulement Jésus-Christ que lui il veut occuper dans ton cœur, mais le diable aussi veut occuper ça dans ton cœur. He knows that people want to occupy that very place with something. Are you getting it? Er weiß, dass Menschen diesen Ort erfüllen wollen mit etwas. Et c'est aussi que les gens veulent remplir cette place là avec quelque chose d'autre qui n'est pas Jésus-Christ. And that very space, you know, Satan loves, he knows very well, and that's why he knows that people go to church and looking for something to occupy that place. Then he knows where to go. Und diese Leere füllen wollen, und deswegen weiß er dann auch, wohin er muss, um Leute zu füllen mit sich selbst. Et il sait que les gens ont soif et veulent occuper cette place là dans leur cœur. Et c'est pour cela le diable, lui, il sait ça. Et c'est pour cela il va aussi dans des églises mortelles pour occuper. You wonder why religion is everywhere today. He knows that they are looking for something to fill there. So different religions, they are almost uncountable today. You cannot count it. Quelquefois tu es étonné et tu te demandes pourquoi il y a beaucoup des églises de religieuses partout dans ce monde, et le diable, lui, il sait ça, et c'est lui qui travaille, qui est derrière tout ça. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why hearing Christ's message is very important. Deswegen ist es sehr wichtig, die Botschaft von Christus zu hören. If you keep on hearing unbelief, doubt and fear. Wenn du weiterhin Unglauben hörst, quand tu continues à écouter des mensonges, if you keep on hearing religion, wenn du weiterhin Religion hörst, si tu continues à écouter la religion, like Moses' message, so wie die Botschaft von Mose, comme le message de Moïse, you know, Moses' message is not the true message. Die Botschaft von Mose ist nicht die wahrhaftige Botschaft. Le message de Moïse n'est pas une la Moses' message came as he came as, let me see, he came as disobedience. When my people were disobeying God. Die Botschaft von Mose kam, als Leute Gott missachtet haben. Le message de Moïse est venu quand les gens ont été disobéissants. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let me see. Praise the Lord. Moses' message came as a result of disobedience. Die Botschaft von Mose kam als ein Resultat. It was not supposed to be here at all. C'était un résultat de la désobéissance de l'être humain. Amen. I don't know if we are able to go there because of time. Amen. Mm-hmm. In John 1:17, let's go to this very place. Go to John 1. Johannes 1:17. See the difference between Christ's message and Moses' message. There are two different messages. On va voir la différence entre le message de Jésus-Christ et de Moïse. John 1. Verse 17. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for the law was given by Moses. Do you see it? Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. But grace and truth came by Jesus Christ. Aber Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus gekommen. Amen. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Amen. Amen. You can see the difference between two. These two. They are not the same. Den Unterschied zwischen diesen beiden. Et là, on peut voir la différence entre les deux. Jesus Christ is grace and truth, and not law. Jesus Christus ist Gnade und Wahrheit und nicht das Gesetz. Amen. Jésus-Christ est la grâce et la vérité. And it needs to be revealed to us. Und das muss uns offenbart werden. Et ça, ça doit être, ça doit nous être revealed. And that's why John 16, Jesus introduced the Holy Spirit. Deswegen hat er uns den Heiligen Geist vorgestellt, der uns hilft, ihn zu erkennen. Pour cela, Jésus-Christ nous a présenté le Saint-Esprit pour nous aider à le comprendre. Amen. Amen. Ephesians 3:9 said Christ's word is a mystery word. In Ephesians 3:9 steht, dass die Welt von Christus eine mystery word. Welt ist. En Ephésiens, il est écrit que le monde de Jésus-Christ est un monde plein de mystères. It's a mystery word. Look at that word. Ephesians 3 now. Praise the Lord. Amen. Ephesians 3, 9. And to make our men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Et de mettre en pleine lumière pour tout l'homme de façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan de Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même toute l'éternité. You know, people, you know, Allah do not want to separate the word from the truth. Viele wollen die Wahrheit nicht vom Wort trennen. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas séparer la vérité avec la vérité de la parole. Et la vérité de la parole. We have to separate them. Wir müssen uns trennen. On doit les séparer. Are we even going to go there? Because we have been there several times. Go to Matthew 5. Matthew 5. On va lire Matthew 5. So somebody is looking like me like this. Matthew 5. Matthew 5. Amen. The word of God. We are to separate it from the truth. And people don't want to do that. Wir müssen das Wort von der Wahrheit trennen und Leute wollen das nicht tun. On doit séparer la vérité avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le faire. I know that the word of God is coming from God. Ich weiß, dass Wort Gottes von Gott kommt. Je sais que la parole de Dieu. And the truth is coming from God. Und die Wahrheit kommt von Gott. Et la vérité aussi vient de Dieu. Matthieu 5. Look at Matthew 5. Matthieu 5. Praise the Lord. Hallelujah. I preached this place the other time. Somebody just wrote to me, and you know what he was just saying was so funny. Amen. Concerning the word of God and the truth, he is finding it difficult to believe that they are different. They are so different. They are not the same. Das Wort und die Wahrheit nicht gleich sind. The earlier you know that, the better for you. Umso schneller wir das wissen, umso besser für uns. On doit vraiment comprendre la différence entre les deux. If not, you will live under law and not under grace. Sonst werden wir unter dem Gesetz leben und nicht in der Gnade. Sinon, vous allez vivre dans la loi et pas dans la grâce. If you look at here from verse 35. 35. Matthieu 5, 35. He said, not, okay, from 34. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is the footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great king. Amen. Amen. Neither shalt thou swear by your head, because thou cannot make one hair white or black. Verse 37. But let your communication be yea or nay. For whatsoever is more than this cometh of evil. Amen. Amen. Praise the Lord. You can't, Verse 38. Let's go forward because of time. You have heard that it has been said, an eye for an eye. This is the word of God. This is what God says. A tooth for a tooth. An eye for an eye. Album, album. Revenge. Rache. Amen. Mm-hmm. Verset 38. C'est la parole de Dieu ici. And a tooth for a tooth. But I say unto you, Jesus is the one. You know, he said the past and now, they are two different things. Die Vergangenheit und jetzt sind nicht gleich. But I say unto you, that resist not evil. Are you getting something here? I'm here for something else. Ich bin hier für etwas anderes. That of Moses is an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Das von Moses, Auge um Auge, und Zahn um Zahn. Celui de Moïse, c'était œil pour œil, dent pour dent, et c'est celui de Jésus-Christ et c'est ça son Jésus Christus. Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn jemand euch auf die rechte Backe schlägt, so bietet ihm auch die andere an. Dann lese ich einfach vor. Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un vous te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi tes vêtements, ton vêtement. Praise the Lord. Hallelujah. He said, but I say unto you, that you resist not evil, but whosoever shall smite thee on the right. He's telling you, see me. Exact. Shout of mesh. Il regarde, il te dit d'avoir ta concentration envers lui. Without Christ, you cannot. Aber ohne Christus kannst du nicht. Sans Jésus-Christ, tu peux rien faire. With his, his own supernatural. Er kam mit seinem eigenen übernatürlichen Leben. Il est venu avec une vie surnaturelle. Then in verse 40 said, and if any man will sue thee at the law and take away your coat, let him have the cloak also. Howsoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Jesus is saying, see me. Jesus sagt, schau auf mich. Jesus Christ, I don't know him. Amen. Amen. He said, verse 43, you have heard that it had been said, thou shalt love your neighbor and hate your enemy. This is the word of God. Das ist das Wort Gottes. Das ist la parole de this Dieu. Verse 43 also. 43, il est écrit, But I am saying, but I say unto you, love your enemy. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. I pray for them which despitefully use you and persecute you. That you may be the children of your father. Can you see the, you know, they are like day and night. Donc c'est people don't want to separate them. 43, il est écrit, vous avez appris qu'il a été, il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous aiment. Persécutés. Praise the Lord. Johannes 6. Jean 6. You know, here is very interesting. Read it at home, please. Just John 6 as a whole. Johannes 6, very interesting. Jesus said, I am the bread of life. Jésus a dit que je suis le pain de ce monde. Je suis le pain de ce monde. Je suis. He said, last. Look at verse 35, first of all. Jean 6, 35. Johannes 6, 35. Okay, let me go to verse 32. 32. Verse 32, let me start from there. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Are you saying something? If you go to Look at verse 46. He said, not that any man has seen the Father, save he which is of God. He has seen the Father. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. I am the bread of life. Your father did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Two bread from heaven. Zwei Brote von Himmel. Il y a eu deux pains différents. One give life, one not. Du ciel. Are you seeing something? Et l'autre ne donne pas la vie. Amen. They are so different. Eines gibt Leben und das andere nicht. They are like day and night. Sind wie Tag und Nacht. C'est vraiment différent comme jour et nuit. That's where churches have problems to the pastors, preachers. Problem. They because they can't, they don't know the difference between the two. C'est là il y a des églises qui ont de parce qu'ils connaissent pas la vérité, ils comprennent pas la différence. It's not about the word of God, the word of God, the word of God, the word of God. It's about what, you know, it's about the word of Christ. Es geht nicht um das Wort Gottes, sondern das, was Jesus Christus gesagt hat. Il s'agit pas de la parole de Dieu, il s'agit de ce que Jésus-Christ a dit de sa parole. Praise the Lord. Amen. John 6:63. Johannes 6. He said, it is the Spirit. Verse 63 now. It is the Spirit that quickeneth. The flesh profited nothing. The word that I speak, my word. You know, he is making something separate. 63, yes. C'est l'esprit qui donne la vie, la chair. Only my word is different. Ne sert à rien. Er macht hier einen Unterschied, Amen. Dass sein Wort anders ist. Amen. Ici, nous explique Amen. Que sa parole, c'est, ça fait la différence. Amen. Amen. If you look at religion today, it's full of the word of Moses. Wenn wir unsere Religion anschauen, ist voll von Worten von Moses. Look at Judaism. Look at YouTube. Look at even Islam. On regarde tout, are you getting it? Toutes sortes de religions. He's full of the word of Moses. It's rempli de l'Ancien Testament. Amen. Von Mose. But not the word of Christ. Aber nicht das Wort von Christus. C'est la different. Parole de Moïse et pas de Jésus-Christ. Et là, il y a une grande différence comme on vient de voir. Praise the Lord. Amen. Just have some few minutes more. Amen. Amen. If you keep on hearing Moses, the Holy Spirit cannot work under Moses. Wenn du immer wieder Mose hörst, der Heilige Geist kann damit nicht arbeiten. That's why church is not church. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler à travers Moïse. Deswegen ist Kirche nicht Kirche. C'est pour cela qu'il y a la différence entre les églises. Christ's word is a mystery. That's the Welt von Jesus Christus ist eine Geheimnis. Maybe on Sunday we'll continue. Amen. And we need, you know, that's why Jesus, when he was about to leave. To Jesus, before he if you go to John 16, let's go there. John 16. Amen. The Holy Spirit cannot work with Moses' word. Der Heilige Geist kann nicht because it's not life. Mit den Worten it's von Mose dead. Arbeiten, weil das nicht Leben ist, sondern Tod. It's only Christ is life. Amen. Amen. Christus ist Leben. Le Saint-Esprit ne peut pas marcher, travailler avec la parole de Moïse parce que c'est pas la vie, c'est la mort. Il peut seulement travailler avec la parole de Jésus-Christ parce que seule la parole de Jésus-Christ est la vie, donne la vie. We read from, let me see. From 5. Amen. So that you can get it better. Amen. Johannes 16, Vers 5. Jean 16, Verset 5. Jesus here is introducing the Holy Spirit to us. Jesus stellt uns den Heiligen Geist vor. Jésus nous présente le Saint-Esprit. Because the word of Christ is all word, they are all mystery. Weil sein eigenes Wort ist ein Geheimnis. Parce que sa propre parole c'est un mystère. Praise the Lord. Amen. If you go to Mark 4, if you leave here and go to Mark 4, Jesus talks about The mystery. Jesus spricht Max. Said, the kingdom of heaven is a mystery. Über ein Geheimnis, was offenbart werden muss. He's talking about his own word. Le royaume de Dieu est un mystère. Look at verse 5. It said, but now I go my way to him that sent me. And none of you asketh me, whither goest thou? But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Amen. Amen. Nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Mm-hmm. Somebody get something here. Amen. Amen. Je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de celui que je vous ai dit, de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. The whole of the Holy Spirit was inside Jesus. Der ganze Heilige Geist war in Jesus. Le Saint-Esprit était dans Jésus-Christ. In Old Testament, come and go. Im Alten Testament ist er gekommen und gegangen. Dans l'Ancien Testament, il venait et il est reparti aussi. Amen. Amen. He said, if I don't go, he will not come. Gesagt, he will not have him. You cannot have him if I'm still here with you. But you need him. Aber ihr braucht den Heiligen Geist. Jésus-Christ, il a dit que si je ne pars pas, vous ne pouvez pas rester avec lui. Vous avez besoin du Saint-Esprit et c'est pour cela, c'est évident que je puisse repartir. Amen. Amen. And when he is come, verse 8, he will reprove the world of sin. He will help you to know what sin really, the meaning of sin, what sin is. Er wird dir erklären, was Sünde ist. Il va nous expliquer la signification du péché. Because what religion calls sin is not what I call sin. Denn das Religion Sünde nennt. Are you getting something? Parce que ce que la religion appelle péché, c'est pas ce que Jésus-Christ appelle péché. Amen. Amen. And of righteousness. What righteousness means? Was Gerechtigkeit bedeutet? Et ce qui est la signification d'être juste du jugement. That righteousness is not giving people money, no, adopted children. Dass Gerechtigkeit nicht in Spenden liegt oder not in Adoptieren. Parce que today. Ce qui est juste, c'est la charité, par exemple. It's filled them with evil. Die Menschen versuchen so ihre Gerechtigkeit zu finden, aber it's all about ist das bösartig. L'homme essaie d'être juste faisant la charité. Are you getting it? Caritas, for example. No, they are so evil. Das sind alles bösartige Organisationen. Das sind des Organisationen, qui ne viennent pas. I don't know if somebody's getting it. Non, pas sa définition. Of righteousness. You know, the Muslims, they built a hospital, they built schools for people. You know, I see. Genauso wie that is what they call righteousness. Die auch ihre Gerechtigkeit tun, indem sie versuchen, Schulen oder Krankenhäuser zu bauen. Mm-hmm. Même les musulmans, eux aussi, ils sont en train de faire des charités. Giving them money. They're there for people. That is not, you are the one doing it, not Christ. Aber das ist nicht it die is Gerechtigkeit. Sondern es geht um das, was Jesus Christus getan hat. Das ist der Sieg. Okay. Amen. C'est la victoire. La victoire est ce qui est juste. C'est pas ce que toi tu fais, mais c'est ce que Jésus-Christ a fait pour les gens. He said the Holy Spirit will help us to know what righteousness is. The meaning of righteousness. That is, believe me. Was depend on me. Trust me. Let everything be me. Amen. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre qu'est-ce qui est juste devant Jésus-Christ, devant Dieu. And of judgment. Of judgment. Who what to judge? And not outside, but the spirit. Dass man nicht das Äußere steht, sondern das Innere Geist. Au sujet du jugement, il ne s'agit pas de l'intérieur, de l'extérieur. You judge, but you judge righteously. Durch den Heiligen Geist richten wir gerecht. À travers du Saint-Esprit, on est en train de juger l'esprit et pas la chair. In verse 13, look at verse 13. It's a habit when he is come. When he, the Spirit of truth, is come, that is the Holy Spirit. It's called the Holy Spirit. You know, the Holy Spirit have a name, which is the Spirit of truth. Amen. Der Heilige Geist hat einen and not the Spirit of lies. Der Geist der Wahrheit, nicht der Geist der Lügen. En verset 13, on voit que le Saint-Esprit a un nom, et son nom, c'est l'Esprit de la vérité, et pas l'Esprit de his name is also Holy Spirit, because he is not the Spirit of evil. Amen. It's not evil spirit, it's Holy Spirit. Sein Name ist auch heilig, weil er heilig ist und nicht bösartig. Son nom c'est aussi saint, comme Saint-Esprit, saint, parce que son, parce que c'est un esprit qui est saint et pas démoniaque. He said he will guide you into all truth, all nonsense. In alle Wahrheit wird er dich leiten. Et il va nous montrer, nous expliquer toutes les vérités. Amen. He said he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear. And that's why you have to be careful of what is coming out of what you are listening to. Deswegen, because the Holy Spirit also listens. Müssen wir aufpassen von dem, he hears things, he hears words. And he's going to work with things. Uns anhören, er wird damit arbeiten. Il est écrit car il ne parle pas de lui, mais de lui-même. Donc ça signifie qu'on doit aussi être... C'est pour cela qu'on doit faire aussi attention de ce qu'on est en train d'écouter parce que le Saint-Esprit écoute ça aussi à travers nous. Demon spirits are also there. Everywhere. Dämonen sind auch überall. Evil spirits. Bösartige Geister. And they hear also. Und sie hören auch. They listen to you. Sie hören uns zu. Et Dämonen, sie écoutent aussi. Praise the Lord. Ils sont partout. You know, you cannot separate the Holy Spirit from Christ. Du kannst den Heiligen Geist von Christus nicht trennen. Tu peux pas séparer le Saint-Esprit. And that's why I said he cannot speak of himself. Deswegen kann er auch nicht von sich selbst sprechen. Are you getting it? It's not Christ without the Holy Spirit. It's not Holy Spirit without Christ. Das ist nicht der Heilige Geist. Any Holy Spirit without Christ, that is Satan. Jeder Heilige Geist ohne Christus ist dämonisch. Chaque Saint-Esprit sans Jésus-Christ est démoniaque. Are you getting it? Amen. You know, that's why I say he can't, he will not speak. He shall not speak of himself. Er wird nicht von sich selbst sprechen. Il parlera pas de lui-même. Amen. Amen. But whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. We want to know things to come. Die Dinge, die Jesus just said, offenbar zeigen. Mais tout ce qu'il aura entendu, il te dira les choses à venir. He shall glorify me. The Holy Spirit glorified Jesus Christ. Amen. And not the flesh. Heiliger Geist feiert nicht nur Jesus Christus und nicht das Fleisch. Le Saint-Esprit manifestera Jésus-Christ et jamais la chair. If you are going to, if you're the reason why you are going to that job, it's all about the flesh. The Holy Spirit is not there. Wenn du diese Arbeit nur machst wegen dem Fleisch, ist der Heilige Geist nicht anwesend. Si tu pars dans un travail et il s'agit de ta chair, le Saint-Esprit ne travaille pas avec toi. Praise the Lord. For he shall receive of mine and shall show it unto you. All things that the Father had are mine. Therefore, said I, that he shall take of mine and shall show it unto you. That's how I know all this message. It's through the power of the Holy Spirit. So kenne ich diese Botschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes. Et moi j'ai la vérité à travers la puissance du Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. What he hear? Was er hört. Ce qu'il écoute. What he see? Was er sieht. Ce qu'il voit. He hears something. He see. He see your motive. Is it Christ? Il voit ton motif. We see your value. What you value? Parce que tu trouves. Ce que tu trouves important. He sees them. He hears them. Er sieht es und er hört es. Il voit ça et il écoute ça aussi. If they are not Christ, he can do nothing. Wenn es nicht Christus ist, kann er nichts tun. Et si ton vœu, dans ton vœu, il ne s'agit pas de Jésus-Christ, ça ne peut rien faire. You know, you may be believing Christ for million. If you are believing Christ for million. For example, why do you need it? What is your motive? What is your value? Was willst du damit? Si tu crois Jésus-Christ, par exemple, pour we will close with the book of James. Then we continue from here. Tu as besoin de ça. Go to James. Tu veux ça? Est-ce qu'il s'agit de Jésus-Christ ou de ta propre chair et you know, John 16 just help us to know that it's just about Jesus Christ. And nothing else. James 4. Let's close with James 4 because of time. And because you have to go home on time. Amen. James 4. Amen. Praise the Lord. Mm. James 4. Amen. Verse 3. Jacques 4. He said, you ask, you receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. You say something there. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Your motive, your value, is in Christ. Dein Motiv, dein Wert, ist es Christus. Est-ce que ton motif est Jésus Christ? Remember the Deuteronomy 8:18. Erinnert euch an 5. Mose. He said, why you are to have that wealth? Weshalb wir diesen Reichtum haben sollen. It's because of his covenant. Wegen seinem Bündnis. Mm. To bring you people to himself. Damit, we'll continue from there. Amen. On va avoir toutes ses richesses par rapport à son alliance pour ramener les gens vers lui. On are you getting it? Dimanche. Amen. Amen. Christ's word is supernatural word. Die Welt von Christus ist übernatürlich. La vie de Jésus-Christ est surnaturelle. He even wants you to have that supernatural, both spiritual and physical, both sides. More than you even want to have it. Get. Do we know the truth? Als du es für dich selbst willst, aber kennen wir die Wahrheit? La vie surnaturelle, lui, il veut ça de plus que, also il veut ça pour nous, mais est-ce que on veut savoir la vérité, connaître la vérité? C'est ça le problème. It's what you receive about his kingdom. Geht es dir um sein Königreich? Est-ce que dans ton désir, il s'agit de Jésus? That people come to Jesus. Son royaume, que les gens viennent vers Jésus Christ. You know your children are not safe and you don't even care about it. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en lui, qui n'ont pas de salut. For you are worried about their job, you are worried about maybe they don't have husband, they don't have wife, they don't have this, they don't have that. It's all well, you know, but you don't even, you know, the real thing, the main thing, which is Christ, you don't even care. That's what man sich. I don't know if somebody's getting it. Ist einem egal. Christus. Und nicht, dass man Kinder hat, die vielleicht noch nicht geheiratet haben und keine Kinder haben oder sonstiges. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We will continue from